De grâce, si tu m'aimes, ne le fais pas, chef de bureau, qu'il crève sous-chef. En ce moment, je n'ai plus la tête à moi, j'entends encore ses injures. Bête qui voulait me quitter a eu pitié de moi, elle reste pour quelques jours. Mon bon chéri, je ne sais encore que faire, je ne vois que la fuite. J'ai toujours adoré la campagne, la Bretagne, le Languedoc, tout ce que tu voudras, pourvu que je puisse t'aimer en liberté. Pauvre chat, comme je te plains, te voilà forcé de revenir à ta vieille Adeline, à cette urne lacrymale, car il a dû te le dire, le monstre. Il veillera jour et nuit sur moi. Il a parlé de commissaire de police. Ne viens pas. Je comprends qu'il est capable de tout, du moment où il faisait de moi la plus ignoble des spéculations. Aussi voudrais-je pouvoir te rendre tout ce que je tiens de tes générosités. Ah, mon bon Hector, j'ai pu coqueter, te paraître légère, mais tu ne connaissais pas ta Valérie. Elle aimait à te tourmenter, mais elle te préfère à tout le monde. On ne peut pas t'empêcher de venir voir ta cousine. Je vais combiner avec elle les moyens de nous parler. Mon bon chat, écris-moi de grâce un petit mot pour me rassurer, à défaut de ta chère présence. Oh, je donnerais une main pour te tenir sur notre divan. Une lettre me fera l'effet d'un talisman. Écris-moi quelque chose où soit toute ta belle âme. Je te rendrai ta lettre, car il faut être prudent. Je ne saurais où la cacher. Ils fouillent partout. Enfin, rassure ta Valérie, ta femme, la mère de ton enfant. Être obligée de t'écrire, moi qui te voyais tous les jours. Aussi, dis-je à Lisbeth, je ne connaissais pas mon bonheur. Mille caresses, mon chat. Aime bien ta Valérie.